veux. Y'a qu'en rapport, je me dévoile et que j'ose vous le dire. J'suis terre à terre, j'ai des valeurs, j'm'accroche pas à des choses futiles. Consomme la chance que j'ai, j'suis pas du genre à me plaindre. C'est vrai que la vie n'est pas toujours facile, sauf quand le joueur a rien, ça mène à rien. Tout ça, vu que d'un jour à l'autre on meurt. Mais bon, faut savoir se faire plaisir et ça, c'est tout à votre honneur, moi. J'ai su faire face au danger, c'est plusieurs fois. J'm'en suis sorti indemne, mais en ayant quelques sueurs froides. Si on tombe, on se relève à chaque obstacle. Ma vie à chaque autre carte, j'espère ne pas finir là où les sharks le squattent. Déterminé, j'le suis dans la soldat au Cambodge, j'suis sérieux quand j'bosse. J'vise le chaos, j'mets mes gants de boxe au front, attiré par le mal, même si j'ai rien à faire là-bas. Comme quoi, je cherche la maille, j'veux être à l'aise comme Serge Lama. Ici, faut se battre pour être faible en ayant l'air gentil. Tu te fais trop marcher dessus, moi, c'est comme ça que j'l'air ton faut se battre, gourmet, zoomer malgré les couilles, faire mentir ceux qui disent qu'on fait partie de la fripouille. Dans mon cas, on me donnait perdant depuis longtemps, mais plus les jours courent et plus de poids je prends, j'ai baisé, niqué, sodomisé le destin. Si Dieu veut, bientôt pour tous les miens le festin. La vie, tu la prends, n'attends pas le contraire. Si t'étouffes sans la tête de la merde, mon frère, pas lâcher, pas baisser les bras. Ta vie, c'est la devise d'Alibi Montana. Pour tous ceux qui ont cru, prends un cher rempart. La haïtienne de la Courneuve meurt, mais ne se rend pas. Tes projets t'appartiennent, mec, garde le moral. Si t'as pas eu les cris, oui, un jour t'auras l'oral. Ma parole, que l'on dise du mal, du bien, le plus important, mec, te donner les moyens. Faut se battre, quitte à manger des grosses baffes. C'est dur de marcher droit sans faire de faux pas. Faut se battre, rester fidèle à tes vrais désirs. Fais preuve d'humilité au lieu de sombrer dans la frénésie. Faut se battre, quitte à manger des grosses baffes. C'est dur de marcher droit sans faire de faux pas. Faut se battre, tu veux savoir pourquoi, je veux te répondre. Ici on jette la pierre lorsque tu jettes l'éponge. La vie c'est un combat et le rap c'est comme un sac de frappe. C'est pour ça que je fournis des bêtes de rimes à chaque sofa. Pas laisser tomber car mes équipes les soutiennent. Je donnerai tout pour le rap jusqu'à finir 6 pieds sous terre. Faudrait pas qu'on nous reproche d'aller trop vite. On a 10 piges de rap, il serait temps de parler profit. Prêt à se battre, on baisse pas la garde. Les AK ça te fait l'effet d'une pêche à l'arcade. On s'est pas découragé, même si rappeur ça gagne rien. On se bat pour que tu fasses prendre le place des acariens. Moi j'ai la dent longue et l'estomac qui gargouille. Le destin m'handicape mais j'affronte ce petit casse-couille. Et on se bat, on n'est pas non plus des lépreux. J'attends que la rançon fasse briller mes yeux ténébreux. On déplace pas la terre mais les montagnes à la limite. 2007, ZAKA, Montana Alibi. Faut se battre, quitte à manger des grosses baffes. C'est dur de marcher droit sans faire de faux pas. Faut se battre, rester fidèle à tes vrais désirs. Fais preuve d'humilité au lieu de sombrer dans la frénésie. Faut se battre, quitte à manger des grosses baffes. C'est dur de marcher droit sans faire de faux pas. Faut se battre, tu veux savoir pourquoi, je veux te répondre. Ici on jette la pierre lorsque tu jettes l'éponge. On serre les poings en ayant fière allure. On a le moral dans les chaussettes et le regard dirigé vers la lune. On voudrait faire la une de tous les magazines. On dit comme Yamakasi. Les AK c'est pas classique. On aime se battre comme des malades graves. Faut pas qu'on passe à la trappe. C'est dans la cour des grands. On se baladera. On lâchera pas la grappe. En solo ou en pinot. On est fiers de nos acquis. Pas comme un type qui enfile l'autre. Saké ou ira. On dérivera sur les rivages. Notre rap il vieillit pas. Qu'est-ce qu'on raconte est vérifiable. Ouais, rien qu'on s'acharne. Le but c'est de squatter les chartes. On n'est pas au bout de nos peines. Avec tout ce qu'ils téléchargent. À l'heure actuelle, pour gagner nos vies, nous doit le respect. Car on n'est pas des novices, on s'engage dans l'affaire. Pour nous le temps est venu, assez mes proches, les acariens, dans les bacs, et dans les revues. Faut se battre, quitte à manger des grosses baffes. C'est dur de marcher droit sans faire de faux pas. Faut se battre, rester fidèle à tes vrais désirs. Fais preuve d'humilité au lieu de sombrer dans la frénésie. Faut se battre, quitte à manger des grosses baffes. C'est dur de marcher droit sans faire de faux pas. Faut se battre, tu veux savoir pourquoi, je veux te répondre. Ici on jette la pierre lorsque tu jettes l'éponge.